n'en a pas. J'espère goûter un jour avant de boire la coupe du trépas. Trompé par la poisse, le bonheur dans ma vie y'en a peu. Mon humeur, une tumeur, la mort, pas de place pour l'humour. J'ai un média essoufflé, c'est le prix du sang que je vais réclamer. Le sang de ceux qui nous gouvernent, le sang de ceux que t'as acclamé. Assassin présumé, naisse, pilier impersonnel. Torturé par le regret, des fois je flippe qu'ils soient éternels. T'as vu leur monde, ils tournent carré, donc par où, tourne par où. T'as vu leur maison d'arrêt, trop de mecs derrière leurs barreaux. Faut mettre un terme à leur haine qu'ils apprennent. Quand 2001 c'est plus de haine qu'ils nous apprennent. Mon rap une thérapie par mon existence. Fais de la résistance comme papy, mais pas pour la France. Garde mes distances, avec pays ce qu'ils concernent. Et t'en changes mec, mais c'est toujours les mêmes concernes. Et c'est toujours les mêmes qui prospèrent. Alors on ose le pire, alors on perd nos repères. Alors on trop désespère, alors qu'il reste le pire. Quoi d'autre à dire à part que ça pue jusqu'à l'air qu'on respire de l'armée de sang. Moi j'ai vu trop de vis cassées, froissées par le passé. Trop de personnes effacées ou impossible à classer. Ça devient classique, on dit m'en sortir ce serait fantastique. Pourtant top de mon éthique est rappé chaotique. La rue te blesse ici, y'a pas d'issue possible. Moi joue avec la rime comme la PAC avec sa cible. Tout me semble inaccessible, sens tout se ressemble. À la recherche d'un bonheur illusoire putain tremble. Je vois trouble, mais qu'à mon goût trop de chance dédouble. Un jour on serre les coudes et le lendemain proche de tout. De l'armée de sang, tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Je voulais pas si j'ai vomi craché sur le bise. Moi, je dois faire du genre en temps de crise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Moi, j'ai trimé pour être large, riche avant l'âge. Et si je suis pas numéro 1, c'est qu'il y a le king avant l'âge. C'est retiens là le son. Je l'ai fait mouiller sans le doigt, 100% hardcore. Écrit des lyrics gore en traversant le bois. Ton inspiration, tu l'as mise où? Arrête le rap ou bien ta respiration. Je suis chaque azoulou contre les colons trop. Tôt contre l'école, l'atterrissage force nous prolonger. Du baiser ta tasse car elle est bonne et j'ai dû prolonger. Faire couler des larmes de sang, j'ai au mic lunatique. Dissident, c'est toujours danger. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer, telle est ma vie. Qu'elle soit ici à Soweto ou Tel Aviv, destinée à lutter. ALB, lunatique, mon unité active. Paris, ma naissance, mon cri, mes premiers pas, ma jeunesse, mon adolescence. Les souvenirs se bousculent, l'insouciance, le peu de maturité, la délinquance, le temps d'un tir, une détonation et tout bascule. Revois les potes de la première heure porter secours. Ceux qui veulent nous détruire, les meilleurs concours. Mais sèche tes larmes, vois comment ton fils est devenu un homme à fruit de l'amour. Mûrir trop jeune, ça s'agit quand il s'agit de mourir. Ça frappe à n'importe quel moment, dans n'importe quel parcours. Préserve mes gènes, mon sang, ce qui en moi est abrité. Ma part de négritude et d'arabité. Islam pour l'éternité. Puisque nos pensées ne sont pas les leurs, l'État nous marginalise, évangélise leurs bavures, nos gravures les diabolisent, paralysent. Un dissident par les assises, vos peines pulvérisent. Trop paix loin nos familles, avec leurs murs tu te familiarises. Paie pas les impôts, avec notre jaïs, ils s'achètent des armes. Quand ça se retourne contre les miens, crois-moi, plus de temps de retenir ses larmes. Ramallah là pas les gosses, les fils d'une patte dans le front. C'est pas dans le cœur, l'heure de pierre, une doigt pour laver la front. De l'armée de sang, tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Tu veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident, c'est depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent. On apprend en se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée de sang. Dissident, lunatique. C'est ainsi.